Alors, pour ceux qui ont eu le courage de rester, voilà, juste on voulait faire un petit point sur le collectif Affaires à suivre pour que les nouvelles doctorantes puissent savoir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Alors, voilà, le collectif Affaires à suivre, en fait, il a été créé en 2013 quand... j'ai commencé mon doctorat, en fait, c'est parti d'un constat où, en fait, on se retrouvait en tant que docteur associé à des laboratoires respectifs de l'école d'architecture, mais on n'avait pas de moyen de se rencontrer, de communiquer entre nous par rapport, que ce soit à nos sujets de thèse spécifiques ou... par rapport à l'organisation en lui-même du doctorat. Donc, partant de ce constat-là, on a essayé d'essayer de se rassembler. Donc, on s'est posé la question de savoir si on crée une association ou si on crée simplement, entre guillemets, un collectif. Donc, le choix s'est porté sur le collectif pour, en fait, essayer de regrouper les doctorants de l'école d'architecture de Grenoble en prenant un peu nos distances par rapport à nos laboratoires d'accueil respectifs et à l'école d'architecture. Donc l'idée, c'était de se constituer en collectif, en groupe, et de pouvoir s'apporter les uns les autres et de pouvoir apporter à l'école d'architecture et à la recherche en général. Donc... le but aussi était de valoriser le doctorat dans les différentes instances parce que jusqu'à présent, vu qu'on n'avait pas de promotion à proprement parler, on était un peu tous dispatchés dans nos laboratoires respectifs. Donc là, l'idée, c'était de se constituer en collectif pour pouvoir, au nom des doctorants de l'école d'architecture, représenter le doctorat et le doctorant au sein des différentes instances. Et ne pas représenter, on va dire, un laboratoire dans une instance particulière. Alors, derrière moi, vous avez d'afficher le blog. En fait, on a fait le choix de créer un carnet de recherche, un carnet hypothèse. Donc, vous allez avoir la présentation après nous de qu'est-ce qu'un carnet hypothèse par les documentalistes. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, juste pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'il fonctionne, qu'est-ce que vous pouvez aller retrouver sur ce carnet d'hypothèse et surtout comment est-ce que vous pouvez y contribuer si vous en avez envie. Alors, vous avez la case à propos des fous normaux. Voilà, parce qu'on est un petit peu fou, normaux. En fait, on a décidé de s'appeler comme ça, tout bêtement. C'est-à-dire que si vous avez envie d'apparaître sur cette présentation des doctorants en architecture de l'ENSAG qui font partie du collectif Affaires à suivre, d'ici quelques jours, on va faire passer un mail dans lequel il y a une présentation type. Donc peut-être qu'on peut cliquer sur... Un peu fort. Charlindo, par exemple. Voilà, par exemple. Voilà, donc c'est tout bonnement le titre de la thèse, le parcours universitaire. Voilà, en fait, c'est un petit peu une page de présentation qui peut vous permettre d'acter le fait de faire partie du collectif et en même temps, ça peut vous permettre... d'avoir une certaine visibilité. C'est-à-dire que les gens qui veulent avoir une visibilité sur les personnes qui font le doctorat en architecture au sein de l'ENSAG peuvent aller voir sur ce blog quelles sont les personnes qui font partie du collectif. Donc, c'est quand même très important, si vous voulez faire partie, de répondre à nos mails. C'est un peu... voilà, bête de dire ça comme ça, mais c'est très difficile pour nous, en fait, d'avoir des réponses de la part des doctorants, parce qu'on est chacun dans notre travail de thèse. Voilà, on sait très bien qu'on est tous très occupés. Mais voilà, si vous souhaitez faire partie, merci de répondre à nos mails. Sachant que, pour rebondir, la notion de collectif, elle est aussi... C'est un peu comme le repas partagé ou des choses comme ça. On y trouve ce qu'on y apporte. Donc, plus on est à faire bouger le collectif, plus ça marche. C'est aussi, j'imagine, le but de ne pas faire une asso, c'est de ne pas avoir un truc figé où chacun aurait une représentation. C'est-à-dire que si à un moment donné, il n'y a pas d'investissement dans ce collectif-là, bah, c'est pas grave, c'est que les gens n'ont pas plus envie de s'y investir. Mais on est encore un petit groupe dans l'école à avoir envie de s'y investir et à faire bouger des choses. Donc voilà, c'est de l'investissement de chacun dans ce cadre-là. Donc, faut pas hésiter. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, ça fait maintenant 3 ans que le collectif a débuté. Donc, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait des fous normaux qui étaient passés de l'autre côté de la barrière, qu'on pourrait appeler les chercheurs, les nouveaux chercheurs normaux. Voilà. Donc, en fait, je pense qu'on va essayer de mettre en place un annuaire des anciens doctorants de l'école d'architecture de Grenoble. Voilà, pour pareil, dans un but de valorisation des thèses, de la recherche et puis ben, bien sûr de chaque chercheur au sein de la communauté de la recherche en architecture en France. Il faut savoir que ce collectif peut paraître un petit peu anodin, mais c'est le seul collectif de doctorants en architecture en France. C'est-à-dire que à terme, s'il y a de l'investissement, si chacun y retrouve des avantages, moi, personnellement, j'en vois un. C'est que jusqu'à présent, on assiste dans les écoles d'architecture à un regroupement des laboratoires de recherche en architecture. Et je pense que ce collectif a la possibilité de pallier à cette idée de regroupement. C'est-à-dire qu'à l'école d'architecture de Grenoble, on a des laboratoires qui ont leur historique, qui ont leurs particularités propres. Et je pense qu'il est très difficile d'envisager un regroupement de ces laboratoires en un laboratoire. Par contre, je pense que le collectif, par rapport à ça, a toute sa place. C'est-à-dire qu'il permet le dialogue entre les docteurs qui seront futurs chercheurs au sein de ces laboratoires. Voilà. Il y a un document que l'on produit chaque année. C'est pour ça qu'on vous a demandé vos résumés. Voilà. De thèse. Le panorama du doctorat. Voilà, donc toujours dans la mise en valeur de la recherche au sein de l'ENSAG. Ce panorama regroupe tous les résumés de thèse de l'année en cours, avec en plus les résumés des thèses qui ont été soutenues dans l'année. Après, je vais vous demander un peu votre avis. La problématique qu'on a, c'est que ce résumé ce panorama, on le fait toujours en début d'année. Sauf qu'on s'aperçoit que les doctorants s'inscrivent entre septembre et décembre. Donc peut-être qu'il serait judicieux de faire ce panorama en année civile, c'est-à-dire de le produire pour la seconde journée doctorale, ce qui permettrait d'avoir tous les résumés de tous les doctorants réellement inscrits cette année-là. Donc peut-être qu'on peut en discuter un petit peu à la fin de la présentation, savoir ce que vous en pensez. Les années précédentes, on imprimait un panorama pour chaque doctorant. Cette année, dans un souci d'économie, on va dire, on a décidé d'en imprimer un par labo. Donc il y en aura un dans chacun des laboratoires, plus un à la doc de l'école. Vous pourrez aussi retrouver ce panorama sur le blog, sur le carnet d'hypothèses. Puisqu'en fait, ce blog nous permet aussi de faire un certain archivage de ce qui se passe au sein du collectif. Voilà, alors les activités du collectif à faire à suivre. Alors déjà, comme vous avez pu le constater, c'est l'organisation des journées doctorales, qui est quand même une grosse partie. Il y a 3 journées doctorales par an. Les dates sont définies en département recherche au printemps de l'année d'avant. C'est très important en début d'année d'avoir une visibilité sur quels doctorants peuvent participer à ces journées doctorales au sein de chaque laboratoire. Donc c'est pour ça qu'on essaye de faire un petit planning en début d'année dans chaque laboratoire de qui veut présenter à ces journées doctorales. Au sein de l'organisation, il y a, je dirais pas un représentant, mais on va dire qu'il y a une personne relais dans chacun des laboratoires. Donc cette année, il y a Léa pour Cratère, il y a Marie pour Marie, pour Culture Constructive. Moi-même, Charline, pour le Cresson. Et voilà, je vais me faire seconder, remplacer par Maëlys. Maëlys Toussaint, voilà. Qui est passée ce matin, mais qui n'a pas pu rester cet après-midi, donc qui est au Cresson. Ouais. Et au MHA, par Caterina Franco, donc qui est en congé maternité, comme vous l'avez compris, ce matin, mais qui sera de retour très prochainement parmi nous. Voilà, donc peut-être pour rappeler au niveau du principe de ces journées doctorales, pour les nouveaux doctorants, c'est quand même une chance de pouvoir présenter à ces journées doctorales. Il est recommandé de faire une présentation en début de thèse pour pouvoir tout simplement présenter son sujet de thèse, voir comment est-ce qu'il est reçu et puis tout simplement se faire connaître au sein des autres doctorants et chercheurs de l'école. Et puis une présentation en fin de thèse qui peut être utile, d'autant plus que on essaie en fait de faire ces journées doctorales dans cet amphithéâtre là où généralement se déroulent les soutenances. Voilà. Par rapport aux journées doctorales sur le blog, le carnet d'hypothèses, depuis l'année dernière, on a essayé de mettre en place des archives sonores. C'est-à-dire qu'à chaque journée doctorale, on demande aux doctorants s'ils veulent bien que l'on enregistre leur présentation et qu'on l'archive et qu'on le mette sur le carnet d'hypothèses, voilà, pour avoir une trace un petit peu de ces journées doctorales et permettre de se réécouter et la mise en valeur toujours de la recherche effectuée ici. On essaye aussi d'archiver les présentations des documentalistes qui nous font généralement une présentation en début d'année. Donc c'est pas toujours le cas, mais on a appelé ça la méthode doc, voilà, pour que ce soit un outil aussi pour les doctorants, pouvoir retrouver un petit peu ces présentations-là qui ont plus un aspect méthodologique par rapport à la thèse. Par exemple, là, c'est celle de l'année dernière, le panorama des sources en architecture et pratique éditoriale, donc qui recense un petit peu tous les endroits où on peut trouver de la donnée, de l'information, des ouvrages, des articles, quand on fait de la recherche en architecture. Et c'est quand même quelque chose qui est assez précieux. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà. Cette année, on a essayé de mettre un peu l'accent sur la communication. Pour ces journées doctorales, donc on voulait remercier Nicolas Vernet qui a gentiment relevé le défi d'essayer de faire une affiche un peu plus attrayante pour amener du monde à ces journées doctorales. Quand je dis amener du monde, c'est les doctorants, les étudiants de master et pourquoi pas les personnes extérieures à l'école. Mais déjà, si on arrivait à mobiliser un peu les étudiants. Et on remerciera aussi quand même les Maëlys et Charline qui nous ont aussi revu la communication de la journée en elle-même, de la présentation du programme, pour aussi essayer de le rendre un peu plus attrayant. Voilà. Ensuite, donc on a fini entre guillemets pour les journées doctorales. Il y a aussi, on essaie de mettre en place des repas partagés. Donc ça, c'est plus des repas qu'on prend à l'école entre doctorants, donc un peu plus informels, où là, on discute chacun entre nous de nos avancées de thèse, de nos... Voilà, c'est très... D'accord, le repas de Noël. C'était de 2013, mais... On essaie d'instaurer cette communication entre les différents doctorants de l'école. Des fois, on arrive à mettre un thème sur un repas quand on a besoin justement de faire le point, par exemple sur les représentants dans les instances. C'est des moments de rencontre très sympas et animés. Voilà, donc ça me permet peut-être d'enchaîner sur les représentants dans les instances. On essaye un maximum que les doctorants de l'école d'architecture soient représentés dans les différentes instances, plus par un souci d'équité, Et en essayant de faire valoir le fait que ce n'est pas un doctorant d'un laboratoire qui représenterait son laboratoire, mais plutôt le doctorat de l'école d'architecture par le collectif. C'est aussi quelque chose par rapport au bloc d'affirmation. On n'a pas encore eu le temps de tout actualiser parce que finalement, ça prend du temps. Il ne faudra pas hésiter. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent contribuer, c'est quelque chose qui peut être fait, en tout cas de participer à l'actualisation de ce blog-là. Donc, je ne vais pas vous montrer le nom des représentants des doctorants qui est sur le blog parce que ça ne sera actualisé très, très rapidement, mais ça ne l'est pas pour le moment. Très rapidement, on a une... on a différents représentants doctorants à l'école et à l'école doctorale. Donc je vais essayer de les faire dans l'ordre. Si j'en oublie, vous n'hésitez pas à me le signaler. Donc pour ce qui est de l'université à Grenoble-Alpes, on a des représentants doctorants qui sont à l'école doctorale SHPT. Et donc il y a un représentant pour l'école d'architecture qui est Nicolas Vernet qui est ici présent. Il y a d'autres représentants aussi des doctorants dont je ne connais pas les noms. On est quatre. Alors, on a un peu pris la suite de Charline et de Claire qui l'ont fait les deux années précédentes. On est élus pendant deux ans. Et du coup, il y a différents comités. Il y en a trois ou quatre pendant l'année, je crois, dont un qui décide des bourses en fin d'année, des bourses attribuées pour les années d'après. Par le ministère de l'enseignement supérieur, ouais. Pas celle sur lesquelles on démarre. Oui. Et du coup, on a quand même un avis en tant que doctorant. Le fait est qu'il n'y a pas beaucoup de doctorants globalement intéressés par ce poste-là. Ou en tout cas, on a eu du mal à les chercher. Et la volonté de Claire et Charline, et puis même de nous avec le collectif, en tout cas la démarche qu'il y a avec le collectif ici, c'est d'aller chercher déjà un petit peu toutes les instances pour que ça soit un minimum représentatif des différents laboratoires et des différentes disciplines, c'est ça qui est un peu compliqué à l'aider. Donc il y a Pierre-Louis Ballot qui fait partie de l'UGA, donc géographe. Karine Schaeffer qui est une ancienne de Cratère notamment, mais qui est en urbanisme, et qui est un peu moins dispo parce qu'elle bosse à côté, elle, mais qui est en urbanisme. Et la troisième, c'est Marianne, je ne me souviens plus de son nom de famille, qui est au Lara, en histoire. Donc voilà, c'est après la difficulté à l'aider, c'est aussi de représenter les laboratoires dans leur totalité. Il y a aussi des différences de laboratoires dans l'école doctorale globalement, comme PACT, qui sont assez énormes par rapport à nous, nos petits labos, l'école d'archi. Donc voilà, il y a quand même d'autres enjeux qui se posent juste à ce moment. En tout cas, on vous remettra les noms des personnes concernées sur le blog. On va se revoir pour faire le lien, remettre les noms à jour. C'est autant de la représentativité que du passage d'infos aussi. Oui. Il ne faut pas hésiter dans un sens ou dans l'autre. Moi, à faire passer les infos de BD et vous, à faire passer des infos si vous avez besoin. Donc, on a également à l'université, donc l'école d'architecture est présentée dans les pôles scientifiques de l'université Grenoble-Alpes et donc de la COMUE qui regroupe les différents établissements autour de cette université. Donc là, il y a un nouveau représentant dans le pôle qui s'appelle Sciences sociales de l'école d'archi des doctorants, c'est moi, Léa Genis. Je pense que dans l'autre pôle, il n'y a pas de représentant doctorant de l'école d'archi, mais par contre, il y a d'autres représentants des doctorants, donc on vous transmettra leur nom aussi. Au niveau de l'école d'architecture de Grenoble, on a aussi des représentants à la commission recherche. Pour le moment, c'est Yvan Mazel qui va certainement devoir se faire remplacer ou suppléer très prochainement. Il ne faut pas hésiter à prendre contact avec lui ou à venir le seconder pour ses réunions du département recherche. On a des doctorants élus à la CPR, la commission pédagogie recherche, donc en la personne de Hugo Gasnier et de Théo Marchal qui est ici. Et si... Ouais. Par rapport à représentant de doctorants. Oui, j'allais en arriver là. Donc sur les représentants étudiants, donc l'école a décidé de créer une nouvelle commission qui serait une CPE, je crois, commission pédagogique étudiante. Je ne sais plus exactement ce que c'est. Je ne me rappelle plus du nom. Steven, tu en sais plus ? Voilà. C'est bien CPE. C'est bien CPE. Conseil. D'accord. Bon, j'avoue que les informations qu'on a eues par rapport à ça, c'était assez floues. Quoi qu'il en soit, donc normalement on aurait dû avoir un doctorant élu à cette instance-là, sauf que les élections s'étant déroulées très tôt en début d'année, on a proposé d'attendre pour qu'elles puissent se dérouler plus tard, quand la plupart des doctorants qui allaient s'inscrire allaient être là physiquement pour pouvoir voter pour leurs représentants. Selon les dernières informations que j'ai eues, c'est que du coup il n'y aurait pas d'élection organisée pour les doctorants et qu'il allait falloir qu'on nomme quelqu'un. Donc en fait il y avait Steven qui s'était proposé, donc Steven qui est ici, pour faire partie de cette commission, qui d'ailleurs je crois a sa première réunion aujourd'hui. D'après, voilà. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on se renseigne, mais on vous renverra des informations là-dessus s'il y a une autre personne que ça intéresserait. Voilà. On avait pensé. Enfin, mais. Ouais. Et en fait, c'est un peu la question qu'on s'est posée aussi et qu'on n'arrivait pas vraiment à laquelle, en fait, j'imagine que la première réunion était un peu censée répondre. Mais comme ils l'ont fait le jour de notre journée doctorale, j'aurais dit qu'il y aurait certainement. C'est plus aujourd'hui. Bon, bah, très bien. Non, aujourd'hui, à niveau des on a un peu le chien entre deux chaises. Voilà. À savoir, au niveau de la CPR, on est en tant que doctorant, potentiellement acteur de la pédagogie. Et à l'école, on a aucune ressource. Enfin, nous, en tant que doctorant, on n'existe pas non plus parce qu'on est inscrit à l'école. Oui, donc en fait, vous comprenez bien pourquoi est-ce qu'on a essayé de créer un collectif pour essayer de montrer qu'on était là. Voilà, donc tout n'est pas fait. Beaucoup de choses restent encore à faire. Mais voilà, c'est un peu les discussions qu'on a quand on peut. Si je devais synthétiser, les missions au niveau de l'école, c'est de non seulement inscrire à l'université, d'être reconnu au sein de l'école en tant que doctorant, d'être reconnu en tant qu'enseignant au niveau de l'école et qu'on a un poids dans la pédagogie de l'école, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et du coup aussi de réussir à trouver des places en tant que doctorant, ceux qui veulent enseigner au niveau de l'école accéder à des postes bien de bon doctorant. D'ailleurs, on organisera très certainement, on en a parlé, le thème du prochain repas sera certainement lié à la question de faire de l'enseignement quand on est en doctorat. Comment ça se passe, quels problèmes ça pose, est-ce qu'on doit être payé pour ce qu'on fait ou pas, enfin plein de questions comme ça qui seront de l'ordre de la discussion du prochain repas. Juste d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur, en tout cas pour toutes ces instances, on va actualiser sur le blog la liste et on vous enverra l'actualisation dès qu'elle sera faite. Ce qui m'amène à dire que si vous êtes intéressé pour y participer, soit vous venez nous voir, on en discute, soit vous n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse par laquelle vous avez dû tous recevoir des mails, qui s'appelle affaires@gmail.com, qui est sur toutes les communications que vous devez recevoir au niveau de l'école doctorale. De la journée doctorale. Tu voulais dire quelque chose ? Non, d'accord. C'était gratuit. Tu veux que je finisse pas sur la com là, tant qu'à faire ? Ouais, en fait, c'était juste pour conclure justement. Si vous souhaitez nous joindre, voilà, voir un peu quelles sont les actualités, qu'est-ce qui se passe au sein du collectif, participer, voilà, avec toute votre bonne volonté. On a créé une page Facebook, voilà, où c'est un peu plus facile de faire passer les actualités. On tente en ce moment de participer au niveau de Twitter. Nous avons deux... je sais pas comment on dit... Voilà. Il y a Charline Soa et Nicolas Vernet qui essayent de... Tweet en direct ce qu'on est en train de dire là en ce moment, par exemple. Voilà. Et puis... par rapport à Twitter, Ouais. Là, ça concerne les enseignants comme les doctorants. C'est que moi, je m'amuse à faire un beau travail de veille sur tout ce qui est en lien sur la recherche architecturale, donc l'écologie, les journées d'études, en urbanisme, géographie, en histoire de l'architecture, histoire de l'art. Donc en fait, allez-y, toutes les semaines, je mets au moins entre 5 colloques par semaine, 5, enfin, on les appelle à com, quasiment tous les jours. Ne pas les seuls à le faire, déjà, peut-être t'en as mis un à un moment donné pour dire tous ceux qui sont plus ou moins sur Twitter, alors qu'ils l'utilisent plus ou moins activement. Mais oui, c'est un très bon outil de veille. Et pour suivre aussi ce qui se fait ailleurs, les calendars, etc., diffusent énormément là-dedans. Et après, par rapport à la représentativité des doctorants, donc, il y a le collectif à faire à suivre, mais là, il y a un type de doctorants à l'échelle nationale en architecture. Qui ont développé sur Facebook la page doctorant en architecture, où sont réunis maintenant, je crois, plus de 200 doctorants francophones, et où sont vraiment débattus qu'est-ce que c'est doctorant en architecture, les contrats doctoraux, où on discute des journées d'études qu'ils vont avoir, notamment les prochaines doctorales en architecture, enfin, voilà, où vraiment il y a une interaction qui est en train de se construire, et notamment sur le contrat doctoral, c'est un des points, parce qu'on se rend compte que suivant les écoles, les règles ne sont pas les mêmes. Et du coup, ça se fait quand même pas mal de questions plus larges. Même notre représentativité au sein des ANSA, l'accès au poste, vraiment sur les questions finales. Donc, je vous invite aussi à suivre ça pour ceux qui ne le sont pas, parce que c'est la fin de connaissance.